nos sœurs, quel moqueur, quel coup tordu. Pour rien, car pour toi, je suis presque rien, rien. Pourquoi tu pleures, pour qui pleures-tu? Pour quel déshonneur, quel désolement, quel temps perdu. Pour rien, car pour toi, je suis presque rien. Pour rien, car pour toi, je suis presque rien. Pourquoi tu pleures? Pourquoi pleures-tu? Quelle jeune fille en fleurs, un bien modeste vertu. Pour rien. Allez, Titi. Je pense que dans le solo, il y a un problème de...